Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le plaisir de retrouver la pétulante Sophie Marceau. Cher moi-même, aujourd'hui, j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que j'ai faites à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir. Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d'affaires accomplie, reçoit le jour de ses 40 ans. Félicitations Margaret. Le bruit court déjà que le montage financier de la centrale est bouclé. Les Chinois doivent avoir une vue imprenable sur mes seins. Je gère ma vie sans la moindre place au hasard. Et ça, c'est du hasard. Il peut y avoir une erreur parce que je m'appelle Margaret Floor. Et là, il y a écrit Marguerite. Une erreur. Bon. Eh bien, la voilà l'erreur. Cher moi-même, au moment où tu me lis, c'est ton anniversaire. Alors j'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que j'ai faites aujourd'hui, à l'âge de raison. Commençons par le plus important. Qu'est-ce que tu es devenue ? Vétérinaire pour baleine ? Princesse ? Oh, c'est ringard. Chose importante dans la vie. Réussir les meilleurs avions en papier. Sauter dans les flaques. Remonter les escalators qui descendent. Embrasser un prince. L'âge de raison, un très beau film de Yann Samuel avec Sophie Marceau, un DVD France Télévisions Distribution.